الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on commence aujourd'hui, c'est le cours 44 dans l'explication de Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam al-Sabuni avec les explications de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé, maintenant on est dans le livre, dans un nouveau chapitre qu'on a commencé au dernier cours. Ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah, c'est-à-dire la vue c'est-à-dire les croyants qui vont voir leur Seigneur dans l'au-delà. C'est-à-dire que les salaf et les gens du hadith, ils ont comme aqida la croyance en le fait que les croyants vont voir Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection et dans l'au-delà. Et donc, cette aqida, elle est importante parce que elle vient donc opposer la croyance des gens de Bid'a qui nient que les croyants pourront voir leur Seigneur dans l'au-delà. D'accord? Donc, les sectes d'égarement comme les Jahmiya et les Mu'tazila et les Asha'ira, ils nient la vue. Hein? Donc, ça c'est donc l'explication de ce sujet. Et on était arrivé maintenant à l'endroit où le Cheikh il va mentionner les preuves dans le Coran et ensuite il va mentionner les preuves dans la Sunna. Donc parmi les preuves dans le Coran, le Cheikh il dit: وَمِنْهَا قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ يَعْنِي مِنَ النَّظْرَةِ وَهِيَ الْحُسْنُ وَالْجَمَالُ مِنْ آثَارِ النَّعِيمِ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ فِي الْجَنَّةِ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ مِنَ النَّظَرِ بمعنى الرؤية بالأبصار يبصرون الله ويرونه سبحانه وتعالى في جنات النعيم. Donc la première preuve que le Cheikh a mentionné, c'est les versets 22 et 23 dans sourate Al-Qiyamah, dans lesquels Allah Azza wa Jal il mentionne, il dit, ce qui signifie que ce jour-là des visages seront resplendissants regardant leur Seigneur. Et le verset wujuhun yawma idhin nadira, wujuhun c'est le pluriel du mot wajhun qui veut dire le visage. Yawma idhin, c'est-à-dire ce jour, yawm ça veut dire le jour. Yawma idhin, c'est-à-dire ce jour-là. Nadira. Et nadira, ça vient du mot an-nadra. Et le cheikh explique que an-nadra, ça veut dire la beauté. Ça veut dire la beauté. Et cette beauté, elle vient des effets, des grâces que Allah Azza wa Jal a mis sur eux dans le paradis. Donc, c'est des visages ce jour-là seront beaux et resplendissants, illuminés. Ila rabbiha nadira. Nadira, c'est-à-dire ila rabbiha, vers son Seigneur, ou bien plutôt vers leur Seigneur. C'est-à-dire ses visages vont regarder vers leur Seigneur. Donc ils vont voir leur Seigneur, ils vont le regarder dans le sens qu'ils vont le voir avec leurs yeux. Et ils vont pouvoir regarder Allah Azza wa Jal dans les jardins de délices. Donc ça c'est une preuve. Parmi les preuves que les ulama ont mentionnées au sujet de la vue d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. Et la deuxième preuve que le Cheikh a citée, il dit: وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ عَلَى الْأَرَائِكِ والأرائك هي السرر تحت الحجال بخلاف الكفار فإنهم في هذه السورة في يعني وهي سورة المطففين قال الله في حقهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا يعني في صفات الكفار. في صفات المؤمنين في نفس الصورة قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، بل أكد هذا النظر مرة أخرى في هذه الصورة نفسها. فمن الأدلة على حصول هذه الرؤية للمؤمنين ما ذكرنا من هاتين الآيتين. دونك الشيخ ربيع حفظه الله il dit parmi les preuves également il y a le fait que Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans sourate al-mutaffifin le verset 13 et 14 certes Al-Abrar, les pieux, les gens de la piété, les gens du bien, seront dans des délices. La fi na'im. Al-Ara'iki yanzurun. C'est-à-dire, alors qu'ils seront sur des sofas ou sur des lits, ils vont regarder. Et le Cheikh, il dit, c'est-à-dire qu'ils vont regarder leur Seigneur alors qu'ils sont dans le paradis, alors qu'ils sont accoudés sur des sofa ou bien sur des lits, hein. Et al-ara'ik, c'est justement le pluriel de des lits, justement en arabe as-surur qui est le pluriel de sarir. Et contrairement aux kuffar, eux qui vont justement être privés de pouvoir regarder Allah azza wa jal, comme c'est mentionné dans sourat al-mutaffifin le verset 15. Quand Allah Azza wa Jal il dit justement à propos des kuffars, non, certes, yani, ils seront ce jour-là voilés. Hein, ils seront voilés de voir leur Seigneur, voilés de leur Seigneur, c'est-à-dire ils ne pourront pas le voir parce qu'il y aura un voile qui va les empêcher de le voir. Allah il dit la mahjoubun. Mahjoub, hein, ça vient du mot hijab. Mahjoubun. Mahjoub, c'est yani ismun maf'oul, de celui qui est voilé justement. Et mahjouboun, c'est le pluriel, donc ils seront voilés. Ils seront voilés de pouvoir regarder leur Seigneur. Contrairement aux croyants qui, eux, yanzuroun, ils sont sur des lits et ils regardent. Donc on voit la différence entre l'état des croyants et l'état des mécréants par rapport au fait justement que les croyants ils peuvent voir Allah Azza wa Jal et le regarder, tandis que les kuffars ils sont voilés et ils ne peuvent pas voir Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal a affirmé, plutôt a confirmé cette vue ou ce regard d'Allah Azza wa Jal une autre fois également dans la même sourate. Donc ça c'est qu'est-ce qui confirme justement que ça fait partie des preuves du fait que les croyants vont pouvoir voir leur Seigneur dans ces deux versets qu'on a mentionnés. Et il dit ومنها أيضا قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم وقد روى الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقول ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Donc ici le cheikh il explique que dans le verset 26 dans sourate Yunus, Allah Azza wa Jal il dit للذين أحسنوا, c'est-à-dire pour ceux qui ont fait preuve d'ihsan, c'est-à-dire de perfectionnement dans l'adoration et d'excellence dans leur adoration et de bienveillance ceux qui ont fait preuve d'ihsan, ils auront comme récompense al-husna, c'est-à-dire le paradis. Et il dit ensuite waziyada. Waziyada, c'est-à-dire quelque chose de plus. Donc ils auront le paradis et quelque chose de plus. Et on sait que al-ihsan, c'est le degré le plus élevé de la foi. Hein, c'est le degré du perfectionnement de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué comme étant le fait d'adorer Allah comme s'il pouvait te voir. Hein? Ou bien plutôt, d'adorer Allah comme si tu pouvais le voir. Et si tu n'arrives pas à atteindre ce degré-là, hein, à l'adorer comme si tu le voyais, eh bien, du moins, adore-le comme si lui, il te regarde. Hein? C'est-à-dire, adore-le en étant conscient que lui, il te regarde au moment où tu fais cette adoration-là. Et ça signifie que la personne qui fait l'adoration alors qu'elle est dans cet état d'ihsan, eh bien, son adoration va être beaucoup plus sincère et beaucoup plus yani, concentrée que la personne qui n'est pas en état d'ihsan, par exemple. Et donc, c'est pour ça que ceux qui ont al-ihsan, et ils vont avoir en récompense le paradis et quelque chose de plus encore. Et ce surplus-là, c'est le fait de pouvoir voir le visage d'Allah Azza wa Jal dans le paradis. Et il y a des hadiths dans la sunna qui sont authentiques et qui confirment cette signification. Et par exemple, le hadith rapporté selon le compagnon Suhayb, radiyallahu anhu, qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque les gens du paradis rentrent au paradis, ils diront « Allah Azza wa Jal va leur dire, voulez-vous que je vous augmente ou que je vous ajoute quelque chose ? » Alors, les gens du paradis répondent, n'as-tu pas illuminé nos visages et ne nous as-tu pas fait rentrer dans ton paradis, hein, et ne nous as-tu pas sauvé de l'enfer ? Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal, il soulève le voile. Et à ce moment-là, il regarde le visage d'Allah Azza wa Jal et il dit, ils n'ont rien reçu, hein, on leur a rien donné de plus aimable et de meilleur pour eux que de pouvoir regarder leur Seigneur. Et ensuite, ils ont mentionné ou ils ont récité le verset, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset, « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً » C'est-à-dire pour ceux qui ont fait preuve d'ihsan, ils auront al-husna, le paradis, et quelque chose de plus. Et ça, c'est ce qui confirme donc que les croyants vont voir leur Seigneur dans l'au-delà, dans le paradis. Ensuite, le Cheikh il dit « فَهَذَا مِنْ تَفْسِيرِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَذِهِ الزِّيَادَةِ فَذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أنهم بعد أن يدخلهم الله الجنة يقول لهم أتريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار هذا كله فوز عظيم وتبييض الوجه إشارة إلى قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين والمنافقين وهذا مثل قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Donc ici le cheikh il explique que cette explication qu'on a lue à propos de yani az-ziyada comme étant le fait de pouvoir voir Allah Azza wa Jal, il dit que cette explication là eh bien elle vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a mentionné l'explication de Az-Ziyada dans ce hadith. lorsque Allah Azza wa Jal demande, voulez-vous que je vous augmente, hein, azidukum, et azziyada, hein, le surplus, ou qu'est-ce que l'augmentation, ou la chose qui est donnée en plus, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de pouvoir regarder Allah Azza wa Jal. Donc, ça, c'est clair que c'est une grande réussite pour les croyants qui ont accès à cette récompense, hein, de pouvoir regarder le visage d'Allah Azza wa Jal, et c'est ce qui fait partie de ce que Allah Azza wa Jal a, ou ce que c'est ce qui fait partie de ce que Allah Azza wa Jal a mentionné dans Surat Al-Imran, le verset 106, lorsqu'il mentionne justement que il y a des visages ce jour-là qui seront yani éclaircis ou blanchis, ou bien plutôt illuminés, éclatants, tandis que d'autres visages seront sombres et noircis. Et le fait que des visages deviennent éclatants ou illuminés, tandis que d'autres, ça c'est le visage des croyants qui est illuminé au jour du jugement et à la résurrection et dans le paradis, leur visage est éclairci et illuminé, hein? Et tandis que les koufars, leur visage devient noir et sombre, ainsi que les munafiqines, les hypocrites. Et ça c'est l'exemple que Allah Azza wa Jal a mentionné dans Surat Abasa, les versets 38 à 42, hein, lorsqu'il il mentionne à la fin de Surat Abasa, il dit ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, hein, riants et réjouis. De même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Voilà les infidèles, les mécréants, les pervers, les pécheurs. Donc, ça c'est le cheikh, il explique et il dit « Famin a'zami na'imillah » لعباده المؤمنين في الجنة وأجزلها أن يتفضل عليهم برؤيته سبحانه وتعالى فما يرون نعيما أفضل من أن يروا ربهم تبارك وتعالى فالجنة وما فيها من حور وقصور وأنهار إلى آخره كل النعيم الذي فيها يتقاصر أن يصل إلى نعمة رؤية الله تبارك وتعالى. Donc le cheikh il explique que donc parmi les plus grands délices d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs croyants dans le paradis, hein, par lesquels il leur fait part de sa grâce, il y a le fait que les croyants vont pouvoir voir Allah Azza wa Jal dans l'au-delà, dans le paradis. Et les croyants, lorsqu'ils vont regarder Allah Azza wa Jal, et lorsqu'ils vont voir leur Seigneur, ils ne vont pas considérer aucune autre délice, aucune autre grâce meilleure que cette grâce-là. Aucun délice ne sera meilleur que celui-là, c'est-à-dire que de regarder Allah Azza wa Jal, de pouvoir le voir. Et le cheikh explique que dans le paradis, il y a toutes sortes de grâces et de délices. Il y a al-hur, hur al-ayn, c'est-à-dire les belles femmes du paradis. Il y a al-qusur, il y a les palais. Il y a al-anhar, les rivières, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là sont des délices. Hein? Et il dit, « Kullu al-na'im al-lazhi fiha » يَتَقَاصَرُ أَنْ يَصِلَ إِلَى نِعْمَةِ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Toutes ces délices-là qui existent dans le paradis, ils sont yani, limités à comparer de pouvoir regarder Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas atteindre le degré de délice qu'il y a dans le fait de pouvoir voir Allah Azza wa Jal. Donc tous les délices qui existent dans le paradis sont petits et sont insignifiants à côté de la vue d'Allah Azza wa Jal. C'est ça ce que ça signifie. Et le cheikh il dit et wa min al adillati kadhalik أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترون يوم القيامة فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء كما أشار المصنف إلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد لهم أن الله يرى حقيقة رؤية حقيقية فكما لا نشك ولا نتضار في رؤية الشمس ليس دونها سحاب ورؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فكذلك نرى الله تبارك وتعالى فهذا كما قلنا تشبيه للرؤية بالرؤية وهذا التمثيل من الرسول عليه الصلاة والسلام تأكيد لإثبات أن المؤمنين يرون ربهم فمثل لهم بأوضح الأشياء حتى لا يبقى هناك أي شك يساور المؤمنين في رؤية الله عز وجل. Donc le cheikh il explique que parmi les preuves également qui existent dans la sunna du fait que les croyants vont voir Allah Azza wa Jal dans le jour de la résurrection, il y a le hadith qui est apporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, et il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était réuni avec les sahaba, il leur a posé la question, ou bien plutôt c'est les sahaba qui ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, allons-nous voir notre Seigneur au jour de la résurrection? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, avez-vous du mal, hein, lorsque vous êtes tous réunis? Est-ce que le fait d'être réunis ensemble vous empêche de voir le soleil lorsqu'il n'y a pas de nuages dans le ciel? Ils ont dit non, ô messager d'Allah. Et il dit, et est-ce que, yani, vous avez du mal à voir la lune lorsque c'est pleine lune et qu'il n'y a pas de nuages? Ils ont dit non, ô messager d'Allah. Eh bien, ils ont dit, et le professeur Sallam a dit, eh bien, c'est ainsi que vous allez voir votre Seigneur, hein, au jour de la résurrection. Et le cheikh, il explique que ici, c'est pour comparer la facilité de la vue, hein, comme s'il compare le fait que on puisse voir la lune et le soleil de façon aisée et facile, hein. Et qu'on va pouvoir voir Allah Azza wa Jal aussi facilement que ça au jour de la résurrection. Et le fait que les gens soient réunis en grand nombre ne va pas les empêcher, hein, ne va pas nuire ou empêcher les gens de pouvoir voir Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection. Et le cheikh explique que c'est pas pour comparer l'objet qui est vu, ou la chose qui est vue, c'est-à-dire on ne compare pas le soleil et Allah, ou la lune et Allah, on compare la facilité par laquelle on pourra le voir, hein, de la même manière qu'il est facile de voir le soleil et la lune, il sera facile de voir Allah Azza wa Jal, c'est dans ce sens-là. Et ça, c'est ce qui a été indiqué justement par l'imam As-Sabouni lui-même dans son explication. Et il dit, et donc, il dit de la même manière que nous n'avons pas de doute et nous n'aurons pas de difficulté à voir le soleil lorsqu'il n'y a pas de nuages dans le ciel et de voir la lune lorsque c'est la pleine lune et qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel, eh bien, de la même manière, hein, on n'a pas de doute qu'on va pouvoir voir Allah Azza wa Jal et qu'il n'y aura pas d'empêchement ou de difficulté pour nous de le voir ce jour-là. Et donc, c'est une comparaison entre la facilité qu'il y aura pour voir Allah Azza wa Jal et la facilité qu'on a pour voir le soleil et la lune, et non pas la comparaison entre le créateur et la créature, ou bien entre entre Allah et la lune et le soleil. Le cheikh, il dit que cet exemple nous a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et c'est pour confirmer que les croyants vont voir leur Seigneur. Et c'est un exemple qu'il a donné qui est un exemple clair pour nous faire comprendre cette réalité-là et pour qu'il ne reste plus aucun doute dans le cœur des croyants au sujet de la vue d'Allah Azza wa Jal ce jour-là. Et le cheikh, il dit ensuite, « Fi hadith Jarir, c'est le hadith de Jarir, il dit que, il dit, « Wa fi hadith Jarir, annahu nazara ila al-qamar laylat al-badr, qal innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar, la tudammuna في رؤيته. وأحاديث كثيرة جدا بلغت حد التواتر ومنها الحديث التي ذكرناها فهي كثيرة جدا ولا ينكرها إلا كافر إذ إن السلف كفروا من أنكر رؤية الله لأنهم أنكروا أمورا متواترة من كتاب الله وسنة رسول الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وممن ينكر رؤية الله عز وجل المعتزلة والجهمية فهم ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى لأنه لا ترى عندهم إلا الأجسام ومن لوازم الرؤية ثبوت الجهة وإذا قلنا إن الله في جهة شبهناه بخلقه إلى آخر الضلالات التي اخترعوها يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة. Donc le cheikh, il dit qu'il y a également le hadith de Jarir qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé la lune. Lorsque c'était la pleine lune, il regardait la lune et il dit aux sahaba, certes vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette lune, sans que ce soit difficile pour vous, sans que vous vous ayez à vous bousculer les uns les autres pour le voir. Et il y a de nombreux hadiths. Et le nombre est très très grand, un très grand nombre de hadiths qui atteignent même le degré de tawatur. C'est-à-dire, il y en a tellement que c'est un nombre impossible à... c'est-à-dire que le nombre de rapporteurs du hadith est tellement grand que c'est impossible d'imaginer ou de concevoir que ces gens-là se seraient mis d'accord pour inventer cela. Donc, c'est un hadith mutawatir, tellement qu'il est rapporté par un grand nombre de personnes. Et le cheikh, il explique que il y a d'autres hadiths également que nous avons mentionnés, qui sont très nombreux, et personne ne peut nier cette réalité que les croyants vont voir Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection, excepté un kafir. Il dit parce que les salafs, ils considéraient mécréants toute personne qui nie la vue d'Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection. Et ils ont également renié beaucoup de choses. Parmi les choses qui sont yani, rapportés de façon très grande par un très grand nombre de personnes, les gens de Bid'a, ils ont renié beaucoup de choses qui sont rapportées par un grand nombre de narrateurs et même parfois dans le livre d'Allah. Ils nient des choses qui sont même dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les gens qui ont nié la vue d'Allah azzawajal au jour de la résurrection, il y a yani les Mu'tazila et les Jahmiya. Et donc, les Mu'tazila et les Jahmiya, ils ne croient pas qu'on puisse voir Allah azzawajal au jour de la résurrection, parce qu'ils disent que si on le voit, ça voudrait dire qu'il est un corps. Et il dit, et parmi les implications également de la vue, ou du fait de pouvoir voir Allah Azzawajal, ça implique qu'il est dans une direction. Et eux, ils disent, si on dit qu'il est dans une direction, alors on l'a fait ressembler à sa création. Ainsi que beaucoup d'autres égarements qu'ils ont inventés pour s'objecter au texte du Coran et de la Sunna. Donc c'est clair que ça, c'est des égarements graves. Et que ces arguments-là ne tiennent pas la route, bien entendu. Puisque, yani, ces gens-là, ils ont recours à la philosophie. Et ils se basent sur la philosophie. C'est pour ça qu'ils nient la vue d'Allah, alors que c'est affirmé dans les textes. Il dit le cheikh, وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ والآية حجة عليهم لا لهم لأن نفي الإدراك لا نفي الرؤ... لا لأن نفي الإدراك لا ينفي الرؤية إذ الإدراك معناه الإحاطة يعني لا يحيطون به رؤية لا تدركه الأبصار يعني لا يحيطون به رؤية ففي الدنيا لا يرون لا يرونه وفي الآخرة يرونه ولكن لا يحيطون به فكما لا يحيطون به علما كذلك لا يحيطون به رؤية فإذا كانت العقول تعلم الله ولكن لا تحيط به كما قال تعالى ولا يحيطون به علما فكذلك المؤمنون يرون ربهم في الجنة ولا يدركونه لأنه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به رؤية فليس لهم في الآية حجة. Donc ici le cheikh il commence à mentionner les shubuhat, parmi les shubuhat des gens de bid'a comme les Mu'tazila et les Jahmiya qui nient la vue d'Allah Azzawajal dans l'au-delà. Et donc parmi leurs shubuhat, il y a le verset 103 dans sourate Al-An'am qu'il mentionne, yani dans lequel Allah Azza wa Jal il dit la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latifu al-khabir. Donc qu'est-ce que ça signifie ce verset que ces gens-là mentionnent pour justifier ou pour essayer de supporter leur position de la négation de pouvoir voir Allah Azza wa Jal? Et quand on regarde la traduction du verset en question dans la traduction française des sens du Coran, il est écrit « Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant il saisit tous les regards. » Et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Donc quand c'est écrit « les regards ne peuvent l'atteindre », donc « al-idrak », qu'est-ce que ça signifie? Comme le cheikh il l'explique, eh bien ça veut dire « al-ihata ». Donc, la traduction qui est mentionnée dans ce verset-là, elle n'est pas exacte. Cette traduction, elle n'est pas exacte, puisque le sens ici de Al-Ihata, ce n'est pas le fait d'atteindre, mais plutôt de cerner. D'accord? De cerner complètement. Et donc, Allah Azza wa Jal, il dit, yani, la tudrikuhu al-absar, c'est-à-dire les regards ne peuvent le cerner. Wa huwa yudrikuhu al-absar, tandis que lui, yani, il cerne tous les regards, il peut voir tout. Hein? Et le cheikh, il dit que c'est ce qui est nié ici dans ce verset-là, la tudrikuhu al-absar, ce n'est pas la négation de pouvoir voir Allah Azza wa Jal, mais plutôt la négation de Al-Ihata, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est nié, c'est qu'on ne pourra pas cerner Allah Azza wa Jal par notre regard, ni dans ce bas-monde, hein, parce que dans ce bas-monde, de toute façon, on ne peut pas voir Allah du tout, ce n'est pas possible, et dans l'au-delà, hein, dans l'au-delà, on pourra le voir, mais on ne pourra pas le cerner de notre regard. De la même manière qu'on ne peut pas cerner Allah Azza wa Jal par notre science, eh bien on ne peut pas cerner Allah Azza wa Jal non plus par le regard. Et la preuve de ça, quand on regarde justement dans le verset 110 dans Surah Taha, Allah Azza wa Jal, il dit « وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا » C'est-à-dire, ils ne peuvent pas le cerner par leur science. Et de la même manière, on ne peut pas le cerner dans l'au-delà par le regard, hein, dans le paradis. Donc, on peut le voir, mais on ne peut pas le cerner de notre regard. Parce que les regards ne peuvent le cerner. Naam. Donc, ils n'ont pas de preuve dans ce verset-là. Et comme le cheikh, il le dit, ce verset est une preuve contre eux et non pas pour eux. Ensuite, le cheikh dit « وَكَذَلِكَ اِحْتَجُّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمُوسَى لَمَّا سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ قَالَ اللَّهُ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِّ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي قَالُوا فَاللَّهُ لَمْ يُمَكِّنْ مُوسَى مِنَ الرُّؤْيَةِ وقال لن تراني فهذه شبهة يعني فهذه من شبههم والآية كما يقول أهل السنة حجة عليهم لا لهم لأن موسى من أعلم الناس بالله وأعلم الناس في زمانه بالله رب العالمين فكيف يسأل ربه الرؤية وهي حرام وهذه يعني وهي مستحيلة يعني فكيف يسأل ربه الرؤيا وهي حرام وهي مستحيلة ما سأله إلا وهو مقتنع بأن رؤية الله ممكنة لو كان يعتقد أنها مستحيلة ما سأل ربه عز وجل فالله والله سبحانه وتعالى لم يقل ما أرى ولا تجوز رؤيتي وإنما قال لن تراني أي في هذه الدنيا وقالوا لن تفيد التأبيد فقال لهم أهل السنة كذبتم على اللغة قال الله في حق اليهود في الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ثم أخبره تبارك وتعالى أنهم في الآخرة يتمنون الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون فهم يطلبون ويتمنون ويطلبون لهم لا يطلبون ولكن لا يتحقق لهم فالنفي بلن إذن ليس للتأبيد فالنفي بها في هذا السياق نفي للرؤية في الدنيا وأما الآخرة فالآية لا تتناول نفي الرؤية فيها في الآخرة. Donc le cheikh il explique que ils ont également essayé d'utiliser comme argument une shubha de l'histoire de Moussa alayhi salam lorsqu'il a demandé à Allah azza wa jal s'il pouvait le voir dans le verset 143. Et Allah azza wa jal a mentionné en réponse à la demande de Moussa, lan tarani. Il lui a dit, tu ne me verras pas. Tu ne peux pas me voir. Et yani, ensuite, il lui a dit, voilà qui nous aurait l'al-Jabal. Regarde la montagne. Et s'il reste sur place, alors ça veut dire que tu peux me voir. Et il s'est manifesté, Allah s'est manifesté à la montagne. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est pulvérisée, est devenue de la poussière. Donc, le cheikh, il explique. Il dit que Moussa alayhi salam, il dit le cheikh que ça, c'est une preuve contre eux en réalité. Hein, parce que le cheikh, il dit, Allah azza wa jal a mentionné, il a dit, لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرِ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِّي اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. C'est-à-dire, Il lui a dit, regarde la montagne, si elle reste sur place, alors tu vas me voir. Et le cheikh, il dit, c'est une shubha qu'ils utilisent dans ce verset, mais c'est une preuve qui est contre eux. Parce que Moussa alayhi salam, c'est la personne qui connaissait le plus Allah azza wa jal parmi les hommes de son époque. Et c'est la plus savante à propos d'Allah, le Seigneur des mondes. Donc comment allait-il demander à son Seigneur de voir Allah Azza wa Jal, alors que si cette vue-là aurait été haram ou impossible, hein, Moussa alayhi salam ne l'aurait pas demandé si c'était pas possible et si c'était haram. Mais le cheikh, il dit, il lui a demandé en étant convaincu que de voir Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qui était possible. S'il croyait que de voir Allah c'était impossible, il n'aurait pas demandé cela à son Seigneur. Et Allah Azza wa Jal ne lui a pas dit qu'il ne pouvait pas le voir ou que ce n'était pas permis de le voir. Il lui a seulement dit, tu ne vas pas me voir dans ce bas monde. Hein, c'est ça que ça veut dire. Et l'âne, parce que eux, les Mu'tazila et les Jahmiya, ils ont répondu en disant que l'an, ça voulait dire pour l'éternité, hein, la négation pour toujours. Et le Cheikh, il répond en disant que pour les gens de Ahl Sunna ont mentionné que il dit, vous avez menti. Hein, ils leur ont répondu en disant, vous avez menti à propos de la langue arabe, puisque l'an, ça ne veut pas dire pour l'éternité. Plutôt, ça veut dire pour une certaine période de temps et non pas pour toujours. Et le cheikh, il dit que Allah Azza wa Jal, il a dit par exemple à propos des juifs, dans le verset 95 dans Surat Al-Baqarah, il dit وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. C'est-à-dire, dans le verset, lorsque Allah Azza wa Jal leur dit, alors souhaitez la mort si vous êtes véridique, et il dit ensuite, et ils ne la souhaiteront jamais, hein, à cause de ce que leurs mains ont acquise. Et le cheikh explique que, mais c'est pas pour toujours, hein, c'est-à-dire jamais ici, ça ne veut pas dire pour toujours, parce que la preuve, c'est qu'au jour de la résurrection, dans l'au-delà, ils vont souhaiter la mort. Et la preuve de ça, c'est le verset 77 dans Surat Az-Zukhruf. Lorsque Allah Azza wa Jal, il mentionne les gens dans l'enfer qui appellent Malik, hein, l'ange de l'enfer, hein, le gardien de l'enfer, pour lui dire, demande à ton Seigneur qu'il nous achève, hein, dis à ton Seigneur de nous achever. Hein, et il répond en disant, non, vous allez rester en enfer. Ça, c'est la preuve que dans l'enfer, il souhaite mourir. Hein? Alors que Allah Azza wa Jal avait dit dans le verset que ils ne souhaiteront jamais la mort à cause de ce qu'ils ont acquis avec leurs mains, Et ça veut dire que c'était par rapport à la dunya. Ils ne souhaiteront jamais la mort dans ce bas monde, mais dans l'au-delà, ils vont souhaiter la mort. Hein? Et c'est ce que le cheikh explique. Donc il utilise ça pour établir le fait que la négation par l'âne n'est pas une négation qui est yani absolue dans le temps par rapport à l'avenir. Et il explique que donc ils vont souhaiter dans l'enfer, par exemple, ici, ils vont souhaiter la mort, mais ça ne va pas se concrétiser parce qu'il n'y aura plus de mort à ce moment-là dans l'enfer. Il n'y aura plus de mort. Et la négation en utilisant l'âne, donc ça, c'est vrai que c'est une négation pour l'avenir, mais ça ne veut pas dire pour toujours. Et selon le contexte aussi, on le comprend. Et donc ici, par rapport au contexte de la vue d'Allah Azzawajal dans la dunya, ça c'est clair qu'on ne peut pas voir Allah Azzawajal dans ce bas monde. Et dans l'au-delà, il y a des preuves qui établissent qu'on peut voir Allah Azzawajal. Donc le verset qu'on a mentionné donc dans Sourate Al-A'raf, le verset 143, avec l'histoire de Moussa alayhi salam, c'est uniquement à propos de la vue d'Allah Azzawajal dans ce bas monde et non pas la vue d'Allah dans l'au-delà. Et aussi, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi salam qui mentionne et qui dit Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ça aussi, c'est un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi salam, il a dit: Vous ne verrez pas votre Seigneur, hein, vous ne verrez votre Seigneur, vous ne verrez pas votre Seigneur jusqu'à ce que vous mouriez, jusqu'à ce que vous soyez mort. Ça veut dire qu'avant la mort, on ne peut pas voir Allah Azzawajal. C'est ça que ça signifie. Ensuite, le cheikh, il termine donc ce chapitre-là en disant: وَهَكَذَا يَأْتِي أَهْلُ الْبَاطِلِ بِشُبْهَةٍ وهكذا لا يأتي أهل الباطل بشبهة إلا وفي القرآن والسنة ما يبطلها ويدحضها وقوله يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم يعني يرون الله بأبصارهم لا بالبصائر خلافا للأشاعرة فإنهم يقولون إنهم يؤمنون بالرؤية وفي نفس الوقت ينفون الحجة عن الله عز وجل فالمضطرون فاضطروا أو فاضطربوا وتحيروا ماذا يقولون قالوا يرى من كل الجهات وهذا كلام غير معقول وهذه عقيدة الحلول يعني يرى في كل مكان أو قالوا يرى بالبصائر يعني رؤيته تتجلى للبصائر وهم دائما يعني الأشاعرة مساكين أو ماسكين بوسط العصا نعم دائما يعني الأشاعرة ماسكين بوسط العصا كما يقال مذهب سياسي يتابعون المعتزلة والجهمية في كثير من الأشياء ويريدون أن يحافظوا على مكانتهم بأنهم أهل السنة مع الأسف الشديد قال المصنف ويرون وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها المصنف لم يشر إلى تواتر الأحاديث في هذا الباب وكأنه ألف هذا الكتاب وهو في رحلة من الرحلات وفما كانت له مراجع. على كل حال أخرجها في كتابه الذي ذكره ولم يذكر هنا أنها متواترة وهي متواترة فعلا. Ok, donc le cheikh il termine ce chapitre en disant que les gens de la fausseté, ils viennent toujours avec, ils ne viennent pas avec une shubha, excepté que dans le Coran et dans la Sunna, il y a la réfutation de cette shubha et la fausseté, hein, ce qui prouve sa fausseté. Et il dit donc ici dans le passage à ce sujet-là, l'imam As-Sabouni, il a dit, vous allez voir votre Seigneur, comme c'est mentionné dans le hadith, vous allez voir votre Seigneur au jour de la résurrection, c'est-à-dire avec vos yeux, et non pas avec votre compréhension, ou bien votre clairvoyance, contrairement aux Asha'ira, qui interprètent justement yani, la vue. Ici, au lieu de dire avec les yeux, ils disent avec la clairvoyance, ou bien avec la compréhension. Et c'est une déformation de la signification ici, parce que les Asha'ira, c'est ça leur spécialité, de déformer la réalité des choses pour essayer de justifier yani leur position. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit les Asha'ira, ils disent qu'ils croient en la vue d'Allah, mais en même temps ils nient que Allah azza wa jal soit dans une direction, puisque on sait que Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa création. Sauf que les Asha'ira, ils refusent de dire que Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa création. Et ils nient qu'est-ce qu'ils appellent Al-Jiha, c'est-à-dire la direction. Hein? Et les directions, c'est quoi? C'est les différentes directions, les six directions, c'est-à-dire devant, derrière, à droite, à gauche. Et ensuite, il y a en haut, en bas. Donc ça fait six directions. Et puis, il nie même d'autres directions encore. Dans le sens qu'ils disent que Allah Azza wa Jal, il n'est pas en avant, ni en arrière, ni à gauche, ni à droite. Ni en haut, ni en bas de sa création. Et ensuite, ils disent, et il n'est pas à l'intérieur, ni à l'extérieur de sa création. Ça, c'est les directions qu'il nie. Et les ulama, ils ont dit, ça ne fait pas de sens. Les ulama, ils ont dit, ça c'est impossible. Ça ne fait pas de sens, puisque ça équivaut à la négation même de l'existence d'Allah. Ou bien c'est la croyance des gens de Hulul, ceux qui prétendent que Allah est partout. Donc ils disent, on ne peut pas voir Allah avec les yeux, mais on le voit avec notre compréhension, et ainsi de suite. Et yani, c'est ainsi qu'ils jouent avec les sens. Et le cheikh explique que les Asha'ira, c'est des gens, ils ont une position toujours politique. Ils essaient de faire plaisir aux Mu'tazila et de faire plaisir aux gens de la Sunna en même temps. Hein. Donc ils tiennent le bâton toujours par le milieu, jamais par le bout. Et donc, ils suivent les Mu'tazila et les Jahmiya dans plusieurs choses, et ils veulent en même temps essayer de préserver leur position comme étant des gens de la Sunna. Et c'est ça le malheur de ces gens-là. C'est pour ça qu'ils se contredisent. Et c'est la position de beaucoup de gens de Bid'a à notre époque, malheureusement, qui veulent faire plaisir aux Kuffars avec les idéologies des Kuffars, et en même temps se dire musulmans en prétendant que les principes des kuffars font partie de l'islam, ou que il n'y a pas de contradiction entre les deux, alors que lorsqu'on analyse les choses, on voit clairement que ce sont des choses contradictoires. Et donc eux, ils ont appliqué la même méthodologie, mais avec les croyances et avec les questions qui ont rapport avec la foi en Allah et en ses noms et ses attributs, et ainsi de suite. Ensuite, le cheikh, il dit, l'imam As-Sabouni a mentionné que, donc, vous allez voir, ils vont voir leur Seigneur tel que cela a été mentionné par une chaîne de transmission authentique. de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir votre Seigneur comme on voit la lune lors de la pleine lune. Et il dit que c'est une comparaison entre les deux façons, la facilité de voir des deux, pour les deux, c'est-à-dire de voir Allah. C'est facile, aussi facile que de voir la lune ou le soleil, hein, comme on l'a mentionné dans les autres hadiths, et non pas la comparaison entre le créateur et la créature, puisqu'il n'y a pas de comparaison possible entre les deux. Et il dit ensuite que les narrations qui ont été rapportées à propos de la vue d'Allah Azza wa Jal sont rapportées dans son livre Al-Intisar, avec les chaînes de transmission, et il dit que l'auteur a mentionné seulement le fait que le hadith est rapporté par un grand nombre, mais il n'a pas cité tous les hadiths. Et il dit que c'est possible que l'auteur avait écrit ce livre-là alors qu'il était en voyage et qu'il n'avait pas accès à ses références lors de ce voyage. Et c'est pour cette raison qu'il a seulement mentionné les points sans ramener les chaînes de transmission à ce sujet-là. Il s'est limité à mentionner seulement que ce sont des narrations qui sont rapportées par un grand nombre et qui sont mutawatira. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continue au prochain cours, inshallah, ce sujet. Le prochain cours, c'est un autre chapitre qu'on va commencer à expliquer. Et c'est un chapitre qui s'intitule Al-Imanu bil Jannati wa Nar wa annahuma makhluqatan la tafnayan abadan. C'est-à-dire la foi que le paradis et l'enfer existent, sont créés et qu'ils ne vont jamais être disparaître ou s'anéantir. D'accord, donc on termine ici inshallah et puis on reprend la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, on continue ce cours-là la semaine prochaine, inshallah. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.